Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc et moi, on vous a préparé un bon 2 heures bien tassées de rock progressif. Et ce soir, on donne le coup d'envoi avec un nouvel extrait d'un album qu'on a déjà présenté, là, de Peter Jones, c'est-à-dire Tiger Moth Tales, plus précisément. Il travaille sous ce nom-là. Donc, un nouvel album, A Song of Spring. On vous présente un troisième extrait. C'est un multi-instrumentiste, d'ailleurs. On commence avec 2 multi-instrumentistes ce soir. Peter Jones avait invité, pour son précédent disque, The Whispering of the Word, avait invité Robert Reed de Magenta à contribuer guitare-basse. Et pour son nouvel album, c'est Andy Latimer de Camel. Et puis, comme je vous disais tantôt, on a un autre multi-instrumentiste. C'est le projet de Chris Angles. Ça s'appelle Sand Project, The Lost One. C'est le titre de l'album. Et puis, après ça, Marc, je pense qu'on vous présente un second extrait d'un artiste italien qu'on vient de découvrir et qu'on apprécie. En effet, c'est l'artiste d'origine italo-vénézuélienne, Leo Carnicella, qui a fait paraître en 2021 son premier album Until a New Dawn. On aura un second extrait donc de cet album, la pièce An Endless Path to Infinity. Et on aura également un troisième extrait d'un nouvel album qui vient de paraître là, hier, de la formation norvégienne Knekkelektrik. Et c'est l'album Alt Blir Vær. C'est leur troisième album en carrière et on aura la pièce titre de cet album. Mais tout d'abord, un nouvel extrait du nouvel album de Tiger Moth Tales. As they did, it's narcissus blooms, the crocuses, the hyacinth, Persephone smiles down on you. For there is something they all know, it's time to bloom and grow, it's all you have to do. It's time.

CKRL 89.1. À Québec. Vous agissez de manière responsable en restant à la maison pour protéger vos proches? À la brasserie artisanale La Korrigane, nous restons là pour vous. Et nous vous offrons tout le nécessaire pour des apéros réussis. Bière pour emporter, alcool locaux, grignotine, aucun détail ne sera négligé pour vous assurer des moments de qualité. Pour plus de détails sur nos heures d'ouverture ou sur la sélection de bières et de produits disponibles, suivez-nous sur notre site web au korrigane.ca et sur nos réseaux sociaux. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Je vous parlais tantôt de Sen Project, projet du musicien allemand Chris Engels. Eh bien, pour la deuxième partie de l'émission, on va y aller avec un extrait de son propre disque qui s'intitule Tesla. On aura aussi un troisième extrait du premier album de la formation mexicaine Electro-Compulsive Therapy. D'ailleurs, c'est une demande spéciale de nos fidèles auditeurs. Et puis Marc, après, on a un autre extrait d'un album qu'on a découvert récemment d'un claviériste italien qui nous a d'ailleurs visité dans le cadre de Terra Incognita. Oui, en effet, il s'agit du claviériste Alex Carpani qui va faire paraître le 29 avril prochain son sixième album en carrière, un album intitulé Microcosm. On en a déjà présenté deux pièces en primeur à l'émission et on en aura une troisième ce soir, la pièce Kiss and Fly. Il y a sur ça plusieurs invités, des grands noms, David Jackson, David Cross, Theo Travis, John Davison. Alors, il y avait déjà eu d'ailleurs David Jackson en collaboration avec son album Four Destinies en 2014. Alors, j'ai bien hâte d'entendre le résultat final, mais jusqu'à maintenant, les pièces semblent très bonnes. Donc, Alex Carpani, et ce sera suivi de la formation Cornmo. Alors, on vous en a présenté deux extraits déjà. Ça, c'est tiré de leur premier album qui vient d'être réédité, un album intitulé Svartisen. C'est un groupe norvégien composé de Nils Larsen, qui était de Morild. Il est à la basse et aux compositions. Il y a également son fils, Anton Larsen, aux percussions, et Odd Roar Bakken de Adventure aux guitares et aux claviers. Donc, on aura la pièce Smeltevan. Mais on débute d'abord avec Chris Engels. Thank you. Thank you. CKRL 89.1. Les skatepunkers de Hit tous sont de retour avec un tout nouvel EP, Gaslighting. disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi, de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation suédoise Isildur's Bane et sa collaboration avec Peter Hamill pour un second album. L'album paru en 2021, intitulé In Disequilibrium. On sait qu'ils avaient collaboré ensemble sur l'album précédent paru en 2019. Ils ont d'ailleurs fait des spectacles ensemble. Et ils avaient réalisé aussi un album avec Steve Hogarth en 2017. Donc, cette formation qui est active depuis 1976. On aura la pièce In Disequilibrium Part 3. On aura également la formation italienne Accordo dei Contrari et un extrait de leur album Ur, paru en 2021. Et c'est la pièce Tergeste. Donc ça, c'est du rock progressif instrumental, un côté très jazzé. Mais tout d'abord, Michel, un des musiciens ukrainiens les plus connus dans le style rock progressif. Le plus connu, et puis on peut avancer sans trop se tromper, aussi le plus prolifique des musiciens ukrainiens. On parle bien sûr de Anthony Kalugin, le musicien qui est derrière le groupe Carfagen, Hogwash et quelques autres. On va écouter ce soir un extrait du 13e album de Carfagen. L'album a pour titre Land of Green and Gold et on va écouter Land of Green Part 1. Thank you.

Salut, ici Sarah Dufour et je vous invite à écouter mon album qui est en diffusion à CKRL 89.1. Salut! J'ai pacté tout mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. J'suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Ouattata. Aujourd'hui, je fais de la musique et je trouve que le temps passe trop vite. La fin de semaine, je joue d'un bord. Ça, c'est pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si je joue plus au baseball, je traîne ma mythe dans mon char. J'attendrai pas à demain pour vivre du sud. Yassa, ma mythe est du bon bord. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Nous voici déjà arrivés à la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita pour cette semaine. Alors, dans ce prochain bloc, on aura la formation suédoise Anecdoten, qui en avait surpris plus d'un avec leur premier album V-Mod, paru en 1993, très inspiré de King Crimson d'ailleurs, et ça avait été un renouveau du rock progressif à ce moment-là. On aura de cette formation un extrait de leur cinquième album, intitulé A Time of Day, paru en 2007. On sait que la formation a 6 albums à son actif. On aura la pièce In for a Ride. Et également, Michel, pour débuter le bloc, on a la formation de Tangent. On sait qu'Andy Tillison travaille actuellement sur un nouvel album. Un nouvel album qui aura pour titre Songs from the Hard Shoulder. Mais en attendant, on va écouter un extrait d'un album paru en 2011 sous le titre de Come, un disque réalisé avec la complicité de Luke Machin à la guitare, Andy Tillison évidemment au clavier, Theo Travis sax et flûte, Jonathan Barrett à la basse et au chant, et Nick Rickwood à la batterie. Il y avait aussi quelques invités spéciaux, dont Andrew Rusak, le claviériste russe. On écoute de cet album la pièce The Mind's Eye. In the mind's eye, nothing's moving. Life's unchanging. It's almost soothing. Thank you. young kid, rebel yes. youth, the mirror will oblige. pièce ce soir, on a choisi un extrait de l'album Evening Games de la formation polonaise Satellite. C'est formé par d'anciens membres de Collage. Et parlant de Collage, un nouvel album est attendu le 15 juin qui aura pour titre Over and Out avec comme invité spécial Steve Rothery. Et l'album paraît 27 ans après Safe, qui était le dernier album de Collage. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.

Archie, pourtant d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a...